sable. Je suis c'est dans mes allées. Dis à ta daronne qu'on va pas séparer. Et puis si je vois que t'es la bonne, on va peut-être marier. Sois-moi doulala, j'ai pris ton amour là. Je suis pas une putain là, c'est mon petit bébé. Je suis ses larmes salées. Elle a fait la coupe au carré. J'ai galéré pour lui parler. Elle est pas influençable. Je suis ses larmes salées. J'pars une après-midi. Elle fait que me téléphoner. Une beauté qui passe crème. Qui s'en fout de la monnaie. Non, j'peux pas faire du mal, j'peux pas. Et même quand j'en boucane, ben je t'en veux pas. C'est ta belle, crois pas. Tout comme tu veux m'endormir, j'vois pas. Je suis ses larmes salées. Elle a fait la coupe au carré. J'ai galéré pour lui parler. Elle est pas influençable. Je suis